Salut à toutes et à tous, c'est Denis Jeep. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en plus de vous souhaiter la traditionnelle bienvenue, j'ai envie de vous dire « Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. » Cette tirade est issue de Tartuffe, une pièce de théâtre de Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, un célèbre dramaturge français du XVIIe siècle que vous connaissez probablement tous et que vous avez également probablement tous étudié à l'école. Et si je vous la déclame, cette tirade, ce n'est pas pour vous montrer mes incroyables talents inexistants de comédien, mais parce que, quelque part, elle est en rapport avec la vie que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors je vous rassure tout de suite, cet avis ne va pas traiter des attributs mammaires de la gente féminine, mais de l'adaptation cinématographique du jeu vidéo Tomb Raider, une adaptation actuellement en cours et qui sortira dans les salles obscures en mars 2018. Et si j'ai parlé des seins en introduction, c'est qu'à l'annonce de l'actrice qui allait interpréter Lara Croft, on a vu fleurir sur la toile des tonnes et des tonnes de commentaires s'insurgeant contre le choix de casting parce que l'actrice en question n'avait pas assez de poitrine. Ah ! Et donc, elle ne pouvait pas être Lara Croft, le film serait nul à chier, et on disait « Mais ça sera sans moi, gna. » Ce genre de truc. Je ne grossis pas le trait, je ne dois pas être loin de la vérité en disant que ce type de réflexion qu'on retrouve sur les forums et autres sites de jeux vidéo, voire même de ciné, à chaque nouvelle info sur le film, représente pas loin de 75% des réactions qu'on peut lire. Ce qui est assez triste, pour ne pas dire pathétique et pitoyable, quand on y réfléchit un petit peu, parce qu'on est quand même en 2017 et l'image de la femme a évolué, que ce soit dans la société, par extension les médias, malheureusement on est encore loin du compte en termes d'égalité, et le combat quotidien est plus que jamais de mise pour se défaire du sexisme ordinaire. Alors je ne vais pas prétendre être un grand féministe, ce n'est pas le cas, mais je doute qu'on soit obligé de l'être nécessairement pour trouver parfaitement stupide et sexiste les réflexions à base de « Elle n'a pas assez de nichons, de meules, de tétés, de nez, boobs, bouh ». D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point des poètes qui s'ignorent sont capables dans ces occasions de cultiver tout un champ lexical parfaitement imagé. C'est genre un peu l'agriculture 2.0 mais avec une finesse de caniveau. Mais bon, je ne vais pas passer mon temps à fustiger ce type de commentaires, sans quoi je ne vaudrais finalement pas mieux, et sans promettre d'y arriver totalement, j'aimerais un petit peu élever le débat. On le sait, les adaptations au cinéma de jeux vidéo, c'est rarement la bonne idée. Déjà parce que les fans des jeux sont très susceptibles, et à raison parce que les producteurs de ciné se foutent bien souvent de leur gueule. Ils achètent le nom d'une licence pour capitaliser dessus, et dans la majorité des cas se foutent totalement du résultat artistique. C'est pour ça que la plupart des adaptations vont de bien, ce qui est ultra rare, à nanardesque, squattant souvent des catégories type médiocre ou naze. Mais au final, qu'est-ce qui ferait une bonne adaptation? Déjà, il faut qu'il y ait du talent devant et derrière la caméra, c'est primordial, mais surtout que la production reste fidèle au matériau de base, et que ledit matériau de base soit déjà lui-même intéressant. Franchement, quand vous voulez adapter Mario Bros ou Street Fighter, comment est-ce que vous voulez vous retrouver avec une base narrative stable? Cherchez pas, vous ne pouvez pas, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des navets tout au plus rigolos. J'ai personnellement de l'affection pour l'actionneur avec Kelly Minogue et Jean-Claude Van Damme, c'était ridicule, mais j'ai passé un bon moment au cinéma, même si c'était donc parfaitement crétin. Et si le matériau de base est pas trop mal, mais qu'on n'y colle pas suffisamment, ça donne des trucs totalement hybrides et qui sont souvent ratés. Par exemple Assassin's Creed, récemment. Qui est un gros gâchis finalement, parce que la partie médiévale était réussie, elle aurait gagné à être la totalité du film. Et pour des raisons de budget, pour sans doute pas trop s'emmerder, et ben finalement ils ont focalisé sur la partie moderne, et ça donne un film qui est mal rythmé, mal foutu, malgré un gros casting et un bon réalisateur. Donc c'était encore un échec. On peut aussi parler du Prince of Persia, hein, produit par Jerry Bruckheimer, qui est donc une sorte de pirate des Caraïbes dans le désert, qui était très sympathique pour ceux qui connaissent pas le jeu vidéo, mais ceux qui le connaissent ont dû s'arracher les cheveux. Donc avoir un matériau de base pas trop mal mais ne pas y coller, c'est la plupart du temps du foirage en règle. Je pourrais prendre aussi l'exemple de Hitman avec son tueur qui est bourrin en mode « je suis le newbie qui découvre le jeu, j'ai la flemme de faire de l'infiltration et donc je défourais à tout va ». Sans parler de l'inénarrable série des Resident Evil qui donne elle d'autant plus de regrets quand on sait qu'à l'origine c'est George Romero, donc qui est considéré un peu comme le père du film de zombies moderne, qui devait donc s'occuper de l'adaptation. Au final, on a eu Paul W. Anderson, genre le mauvais Paul Anderson du cinéma. Et il y a une dernière chose aussi au sujet des adaptations, c'est la volonté inconsciente du public, pour le coup, d'avoir des sosies des personnages comme actrices et acteurs. Ce réflexe, on l'a tous. Dès que l'annonce d'une adaptation sort, on voit fleurir sur les réseaux sociaux, les forums et j'en passe, des choix perso de casting. Chacun cherche le décalque des personnages sans jamais vraiment vérifier si l'actrice ou l'acteur en question est capable de jouer le rôle, on se focalise essentiellement sur l'apparence. Et c'est certainement pour ça que nous ne sommes pas des directeurs de casting pour la plupart d'entre nous. Cette réflexion vaut autant pour le jeu vidéo que pour les comics ou les bandes dessinées. C'est un petit peu différent pour les romans dans la mesure où si on a des descriptions, on n'a pas de représentation visuelle des personnages. L'imagination joue pour beaucoup et il y a autant de représentations mentales d'un perso qu'il n'y a de lecteurs. Alors je parle des comics, il est amusant de constater qu'à l'annonce du film Wonder Woman, beaucoup fustigeaient le manque de carrure et de poitrine, comme par hasard on y revient, de l'actrice Gal Gadot. Ils étaient bien moins nombreux à s'inquiéter de sa filmographie assez faible et de son talent de comédienne difficilement perceptible à l'époque. Au final, le film est considéré comme un succès critique et public, et s'il est évident que Gal Gadot ne gagnera sans doute jamais un Oscar, elle correspond pourtant parfaitement au rôle de Wonder Woman. Parce que c'est ce qui compte finalement, correspondre au rôle. Et cela pas que physiquement, cette notion de correspondance physique, elle est même accessoire au final, tant les techniques en termes de réalisation, de mise en scène et donc même de costume permettent de corriger une foule de petits détails esthétiques. Et pour en revenir à Tomb Raider, car c'est quand même le sujet principal de cet avis, le choix d'Alicia Vikander me paraît tout à fait opportun. Mais avant de parler de la jeune actrice suédoise, remontons un petit peu le temps. En 2001 sort la première adaptation cinématographique de la saga Tomb Raider, avec Angelina Jolie dans le rôle titre. Un choix intéressant car elle correspond au personnage créé par Core Design en 1996, un personnage culte du jeu vidéo qui dans l'inconscient collectif est représenté par des attributs mammaires conséquents. Ça c'est difficile de le nier. Pour la petite histoire, cette opulente poitrine vient d'une erreur de programmation que l'on doit à Toby Gard, lequel avait paramétré un 150% au niveau des pixels sur les seins de Lara au lieu des 50% prévus. Mais il serait bête de réduire Lara Croft à sa poitrine, car ce qui est intéressant au final, c'est qu'elle est un des premiers persos féminins du jeu vidéo à vivre des aventures par elle-même. Elle n'est ni le love interest d'un héros mâle quelconque, ni la demoiselle en détresse type Princesse Peach dans Mario qu'on doit sauver. Elle est forte, intelligente, indépendante. C'est malheureusement très très rare à l'époque, et c'est même une avancée. Et c'est pour ça que c'est dommage que l'hypersexualisation du personnage relègue souvent ses caractéristiques au second plan. Angelina Jolie est donc un bon choix. Par contre, prendre un tâcheron comme Simon West à la réalisation n'est pas une idée lumineuse qu'ont eu les producteurs. C'est un type dont le principal fait d'armes est le crétin quoique sympathique Aile de l'Enfer avec Nicolas Cage, John Cusack et John Malkovich. Ça pose un peu le niveau du gars. En 2003, on retrouve Angelina Jolie pour un autre Tomb Raider qui s'appelle Le Berceau de la Vie, et ça serait même plutôt Le Creuset de la Mort tant le film se traîne et ferait passer son prédécesseur pour un fleuron d'aventure signé John McTiernan. À la réalisation, on retrouve John DeBont, qui est un chef opérateur très estimé dans le milieu et qui a notamment travaillé sur la série des Die Hard ou encore À la poursuite d'Octobre Rouge, mais qui niveau mise en scène a surtout fait Speed, Speed 2 et Twister. Jusqu'à présent, Angelina Jolie était donc la personnification de Lara Croft au cinéma. Et c'est pour ça qu'à l'annonce du nouveau Tomb Raider et donc d'Alicia Vikander dans le rôle de Lara, beaucoup ont regretté Angelina Jolie, à base de commentaires type « elle correspondait plus au personnage ». Sous-entendu, elle avait plus le physique de l'emploi. Ce qui n'est pas faux, mais par rapport à l'ancien perso. La nouvelle adaptation, pour rappel, s'attache au reboot signé par Crystal Dynamics en 2013, et donc à la nouvelle Lara Croft. Pour le coup, Angelina Jolie ne correspondrait pas du tout à cette jeune femme qui va vivre sa première aventure, qui elle-même ne se symbolise pas par une poitrine opulente. Et si on en revient au choix de casting, donc Alicia Vikander, on se rend compte que cette actrice est un choix pertinent, parce que bien que jeune, elle a déjà une filmographie conséquente et surtout très diversifiée. Elle a prouvé qu'elle pouvait s'adapter à tous les genres, que ce soit dans les films historiques en costume, comme Anna Karenine ou surtout le superbe Royal Affair, un film dans lequel elle donnait la réplique à Mads Mikkelsen, un acteur très charismatique, mais qui jamais ne l'écrasait, elle arrivait vraiment à exister dans ce film-là. Elle est aussi à l'aise dans les mélos, que ce soit Une vie entre deux océans avec Michael Fassbender, Testament de jeunesse avec Kit Harington, qui n'est pas un grand acteur mais qu'elle arrivait à bonifier, c'est aussi un talent d'une actrice à bonifier son partenaire. Et aussi The Danish Girl, où elle jouait aux côtés d'Eddie Redmayne, qui lui avait un rôle de composition, et là pareil, elle n'était pas du tout écrasée par ce rôle-là. Elle a même décroché l'Oscar du meilleur second rôle en 2016 pour ce rôle. On a aussi pu la voir à son avantage dans l'excellent Ex Machina, un huis clos de science-fiction au casting 4 étoiles, ou encore dans Man From U.N.C.L.E., un film d'espionnage classe et fun signé Guy Ritchie. Niveau film d'aventure typé fantasy, elle était aussi à l'affiche du 7ème Fils, un long métrage qui ne restera vraiment pas dans les annales du cinéma, mais où elle prouvait son aptitude à jouer des scènes d'action, chose qu'on lui demandera dans Tomb Raider. Voilà pour ceux qui s'inquiéteraient sur la dimension physique de Vikander, sachant qu'un acteur se prépare toujours avant un tournage. Prenons l'exemple de Christian Bale qui lui peut passer de The Machinist à Batman Begins en quelques mois, et encore là c'est un cas très extrême. Outre Alicia Vikander, on va retrouver au casting Walton Goggins, un acteur caméléon très talentueux qui peut autant jouer les rôles de brave type que les pires ordures, notamment dans les derniers films de Quentin Tarantino. Et on aura aussi Dominic West, qui va jouer lui le rôle du père de Lara. C'est un acteur qu'on présente plus et que vous connaissez probablement pour l'exceptionnelle série The Wire, sur écoute. À la réalisation, le choix de la production, pour rappel c'est Warner Bros qui a acheté les droits, s'est porté sur le Norvégien Roar Otto. Un choix intéressant car le type a déjà donné dans le survival. En 2006, il réalisait Cold Prey, un petit slasher en haute montagne qui voyait un groupe de jeunes se faire décimer un à un par un gars bien louche et dont l'héroïne devait se construire en apprenant à survivre. Chose que devra évidemment faire Lara dans le nouveau Tomb Raider. En 2015, Otto signe The Wave, un film catastrophe qui sort des sentiers battus puisqu'il replace l'humain au centre de l'histoire. Il démontre avec ce métrage sa capacité à filmer le déchaînement des éléments tout en n'étouffant pas les personnages. Ici, on a une famille qui se décompose petit à petit et qui, par instinct de survie, va tenter de se reconstruire. Là encore, ce sont des approches qui correspondent aux thèmes qui étaient développés dans le reboot de 2013 de Tomb Raider. Au niveau de la direction artistique, c'est un vieux routier en la personne de Tom Brown qui a été engagé, et c'est quand même un gars qui a bossé sur les aventures du jeune Indiana Jones, on retrouve ce côté un peu archéologie, et surtout sur Il faut sauver le soldat Ryan, qui n'est pas quand même un petit film. À la musique, on aura droit à James Newton Howard, ce qui est toujours bien plus agréable que les innombrables clones de Hans Zimmer qu'on trouve un peu trop souvent dans les films d'action. Alors je ne veux pas vous dresser un tableau idyllique de la production de ce nouveau Tomb Raider, il y a quand même un point sur lequel on peut avoir des doutes, et ce point est de taille, à savoir le script. C'est Geneva Robertson-Dvorett qui s'en occupe, et pour l'instant cette scénariste a certes participé à des poules d'écriture pour le cinéma, récemment sur l'ignoble Transformers The Last Night, heureusement d'ailleurs qu'elle n'était pas créditée au générique, mais elle n'a jamais encore signé un scénario toute seule. Il est donc difficile de savoir ce qu'elle vaut pour l'instant, et le script est bien évidemment quelque chose de primordial. Toutefois, Robertson semble avoir le vent en poupe chez Warner, puisqu'elle était aussi engagée pour le projet Gotham Sirens, donc c'est un film de super-héroïne dans l'univers DC Comics, et elle est engagée également sur le prochain Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Le synopsis de Tomb Raider qui a été dévoilé récemment est le suivant. Lara Croft, 21 ans, refuse de prendre la direction de l'entreprise familiale suite à la disparition de son père 7 ans plus tôt, et elle gagne sa vie en tant que coursière à Londres tout en suivant des cours à l'université. Mais des événements vont faire que Lara va se décider à enquêter sur la disparition de son père et de partir ainsi pour sa dernière destination connue, une tombe sur une île au sud du Japon. L'expédition va vite basculer en tragédie et se transformer en lutte pour survivre. Voilà pour le pitch et on retrouve donc pas mal de choses du synopsis du Tomb Raider de 2013 signé Crystal Dynamics. Donc si on fait les comptes, on a un matériau de base, le Tomb Raider de 2013, qui est pas trop mal, un film qui semble rester proche de ce même matériau de base, et du talent devant et derrière la caméra. Dans l'ensemble, et donc malgré cette histoire de scénariste qui pour l'instant n'a pas produit quelque chose de significatif, on a de quoi être confiant. Il faudra évidemment attendre les premières bandes annonces pour se faire une idée un peu plus précise, et encore celles-ci ne donneront qu'une indication. Au final, seul le film en lui-même sera le juge de paix. En attendant, je trouve donc stupide qu'on s'attarde sur des photos qui pour l'instant sont plus des clichés promotionnels que de réelles photos de tournage. Et je prends par exemple le dernier cliché en date paru sur le magazine Entertainment Weekly, où on voit Lara accrochée dans une position qui n'est effectivement pas très crédible. C'est normal, c'est une photo promotionnelle. Donc avant de critiquer, le mieux c'est quand même de se renseigner histoire de pas raconter n'importe quoi. Pardon. Tout ceci n'est bien évidemment que mon avis et il est entièrement subjectif. Je n'ai rien contre un débat du moment que les contre-arguments sont viables et ne restent pas au niveau du gna gna gna gna gna, nichon, nichon, nichon. Bref, vous m'avez compris. En tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter car ce qui m'intéresse le plus c'est pas de donner mon avis mais bien donc de partager des idées, des points de vue et donc d'échanger ensuite avec vous pour nourrir et enrichir la discussion sur ce sujet. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.